Quatrième partie. La trêve fut courte. Ra poussait des plaintes furieuses. L'idée de l'enlèvement de Wao fut intolérable à Aoun comme une défaite. Zour lui-même oubliait sa prudence. À cinq, ils se lancèrent à la poursuite. Les émanations s'étaient éloignées à l'opposite du vent. Pendant quelque temps, elles devinrent insensibles. Quand elles reparurent, les hommes du feu avaient de l'avance. La trace, reprise parmi des fourrés et des mares, fut difficile à suivre et ne redevint précise qu'après des détours. Une ardeur farouche emportait le grand Toulam. Confiant dans son agilité, il précédait de loin ses compagnons. Zour et Ra s'efforçaient pour le suivre. Le lémurien trapu montrait de l'endurance et de l'acharnement. À la fin, les émanations se condensèrent et la piste, après s'être enfoncée dans la sylve, s'infléchit vers la rivière. Bientôt, elle divergea et le fils de l'Urus, hésitant, finit par choisir la route où les effluves de Wao se mêlaient à ceux des ravisseurs. Les arbres s'espacèrent. Une surface plantée d'herbes sèches apparut. Une flamme jaillit qui bondissait à travers la clairière. Aoun dut se replier vers Zour. On entendit une plainte aiguë et, après des soubresauts, l'incendie s'arrêta. Aoun et ses compagnons marchaient vers le sud. La trace était perdue. Au sortir de la forêt, la lande dressa son étendue morne et l'on aperçut à l'orient, à 2000 coudées, la clarté d'un feu. Assis sur une pierre, un homme veillait qui se dressa à la vue des survenants. Presque au même instant, 6 autres hommes surgirent, qui entraînaient Wao. L'un d'eux marchait péniblement et tenait la main à son épaule. Aoun avait repris son galop. Il bondit pendant 1500 coudées, puis avec un gémissement, il s'arrêta. Le gouffre était devant lui, une large fissure du sol au fond de laquelle bruissaient les eaux. Les hommes du feu le huèrent avec des rires de mépris. La distance qui séparait Aoun du feu était 4 fois plus grande que la portée du propulseur. Un désappointement immense soulevait le nomade. Il répondit par une clameur haineuse aux risées de ses ennemis. Eux se dressaient dans leur force, supérieurs en nombre et pleins de dédain pour les alliés d'Aoun. Les lémuriens étaient moins redoutables que des loups. Zour semblait misérable avec sa structure cylindrique et ses bras courts. Seul le grand Toulamre les étonnait. Mais eux-mêmes, invaincus, n'étaient-ils pas doués de la force des ours? Moins haut de stature qu'Aoun, leur chef montrait une poitrine spacieuse et de longs bras qui étouffaient les panthères. Il tourna sa face énorme vers le fils de l'Urus. Il ricanait sinistrement. Épars autour du feu, de grands blocs rendaient plus forte la position des Chéléens. Toute chance était de leur côté, hors les armes de trait. Aoun le voyait bien, Zour mieux encore, mais tous deux étaient exaltés. Le roi avait conçu une manière de tendresse pour la lémurienne. Loulamre ne pouvait endurer son échec. Pourtant, ils demeurèrent aux aguets. Les ténèbres allaient venir. La lune rouge se perdait déjà dans une nue qui s'élargissait dans l'Occident. Un vent rude tournoyait par saccades. Soudain, le fils de l'Urus se décida. Il longea le bord de l'abîme. Il rentra dans la sylve. Après 2000 pas, la fissure se rétrécit puis disparut. « Je marcherai en tête, » dit Aoun à son compagnon. « Vous me suivrez de loin jusqu'à ce que le feu soit en vue. Les hommes du feu ne me surprendront point. » Leur course n'est pas assez rapide. Quand il se retrouva dans la lande, les Chéléens n'avaient pas bougé. 3 d'entre eux se tenaient dans l'interstice des blocs et surveillaient l'espace. Les autres étaient auprès du feu. Tous avaient leurs épieux, leurs haches et leurs pierres de jet. En voyant surgir Aoun, ils hurlèrent comme des dôles, et le chef, levant son épieu, fit le geste de l'attaque. Loulamre ralentit sa marche. Il savait bien qu'il ne fallait pas songer à un assaut. Il s'exclama. « Si vous nous rendez Wao, nous vous laisserons retourner vers vos terres de chasse. » Il ne pouvait interpréter sa parole, mais les gestes, analogues à ceux de tous les nomades, leur firent comprendre qu'ils réclamaient la captive. Des rires bourrus répondirent. Le chef à la poitrine profonde saisit Wao par la chevelure et d'un coup de poing sur le crâne, il l'abattit. Puis montrant le corps étendu, le feu et ses mâchoires, il signifia que les Chéléens retiraient et dévoreraient la femme. Aoun bondit comme un léopard. Les hommes du feu disparurent derrière les blocs. Cependant Zour approchait. Quand les compagnons furent à la distance où les propulseurs devenaient efficaces, le Wa dit. Kaoun marche vers la droite. Quelques-uns de ceux qui se cachent deviendront visibles. Loulamre décrivit un arc de cercle autour du feu. Deux des Chéléens, se voyant découverts, voulurent se retirer. Une sagesse siffla, une plainte rude passa sur la lande. À son tour, le bois brandit le propulseur. Un second Chéléen, atteint à la cuisse, s'affaissa. « Les hommes du feu ont maintenant 3 blessés !» fit la voix retentissante de Loulamre. L'orage montait dans la nuit noire. Les énergies éternelles, sourdant de la terre et du ciel, enveloppaient les hommes d'ondes sournoises, insaisissables et féroces. La lune ayant disparu, il n'y avait plus que la lueur décroissante du feu et les éblouissements livides des éclairs. Les Chéléens, devenus invisibles, redoutaient de s'exposer aux sagaies et aux harpons. Loulamre, le Wa et les Lémuriens sentaient l'impossibilité d'attaquer l'ennemi abrité par les blocs. Dans le déferlement mystérieux de l'orage, il y eut un silence. Le vent s'affaissait sur la lande. La foudre ne s'entendait pas encore. Les bêtes tapies dans la sylve se taisaient. Puis la nue gronda comme un troupeau d'aurochs. L'eau, mère des origines, croula par gouttes épaisses et une fureur saisit les Chéléens. Leur feu allait périr. Ils ne pouvaient veiller sur les cages où ils le conservaient pour les haltes prochaines. Ils se trouvaient dans la savane et dans la forêt comme une troupe de loups. Le chef donna des ordres. Avec une clameur unanime, les hommes du feu se précipitèrent. 4, dont 2 blessés, se dirigèrent vers Zour et les Lémuriens. Le chef à la poitrine profonde et le plus fort des guerriers bondissait vers Aoun. 2 sagas sifflèrent, puis 2 autres, que les ténèbres et le galop des assaillants rendirent inefficaces. Afin d'avoir le temps de lancer les harpons, Aoun recula vers la rivière, Zour et les Lémuriens vers la sylve. Les harpons ne firent que des écorchures. Les Chéléens, avec des cris de victoire, accélérèrent leur course. Loulamre continuait à battre en retraite et le Wa approchait du couvert. Soudain, l'eau du ciel coula comme 1000 torrents. Le feu jetait des flammes sautelantes. Seul le guerrier blessé à la cuisse demeurait au campement et abritait les cages sous des pierres. Zour et les siens furent enveloppés. Le plus jeune des Lémuriens, épouvanté, voulut s'abriter dans un arbre. Un coup d'épieu lui ouvrit le ventre, un silex lui écrasa la tempe. Ra et le trapu se défendaient avec les massues que leur avait taillées Loulamre. Zour assomma d'un coup de hache le Chéléen déjà blessé à l'épaule, mais un autre, se glissant à l'arrière, saisit le Wa à la nuque et le terrassa. Dès qu'Aoun vit qu'une distance de 15 coudées séparait ses agresseurs, il fit 3 sauts énormes et abattit sa massue. D'un premier choc, elle fit craquer un épieu. D'un second, elle fendit un crâne. Le chef Chéléen et Loulamre se trouvèrent face à face. C'étaient de formidables structures. Celle du chef rappelait l'ours et le sanglier. Un poil crépu couvrait le torse. Les yeux circulaires phosphoraient. Plus haut de taille, la poitrine large qui ne ressemblait à aucune poitrine de bête, campée droit sur des cuisses rondes, Aoun tenait la massue à 2 mains. Les pieux de l'antagoniste en bois d'ébène, lourds et très pointus, pouvaient ouvrir la chair et fracasser les os. Le Chéléen frappa d'abord et son arme frôla à peine le fils de l'Urus. La massue tournoya, elle ne rencontra que la terre, tandis qu'un grondement ouvrait les lèvres du Chéléen. Sa face énorme exprima la haine, le meurtre et l'injure. Un moment, ils se guettèrent, chacun ayant battu en retraite. L'immense pluie les enveloppait de brume. Les dernières lueurs du feu les éclairaient à peine. Tous deux sentaient passer la mort dans le retentissement de la foudre et les tremblements de la lande. Aoun reprit l'offensive. La massue tournoyait, elle écorcha le torse fauve du Chéléen tandis que la pointe aiguë de l'épieu lacérait une épaule de l'oulambre. Puis les armes s'en mêlèrent. L'épieu toucha la poitrine d'Aoun au moment où celui-ci rebondissait en arrière. Le sang coulait de deux plaies. Aoun, clamant le cri des batailles, saisit l'épieu d'une main et de l'autre frappa. Atteint en plein crâne, le Chéléen demeura paralysé. Un second coup lui brisa la clavicule. D'autres énormes fracassèrent les côtes. Le feu venait de s'éteindre. Les ténèbres effaçaient l'espace. Les éclairs, plus rares et plus faibles, perçaient à peine la buée. Aoun cherchait vainement Zour et les Lémuriens. L'orage dissipait les émanations. Il appela. « Où se cache Zour ? Le fils de Lurus a terrassé ses ennemis. » Un grognement lointain répondit, qui venait de la sylve et qui ne ressemblait pas à la voix de l'homme sans épaules. Aoun tâtonnait dans les ténèbres ou galopait à la lueur des éclairs. Quand il fut à l'orée de la sylve, la silhouette de rat émergea puis s'évanouit dans l'ombre. Le Lémurien balbutia des syllabes obscures. Aoun devina que le oie avait disparu. Parfois le passage d'un éclair montrait quelques gestes plus nets que des paroles. À la longue, le Lémurien trapu surgit à son tour. Ce qu'il tentait d'expliquer était plus confus encore que ce qu'articulait l'autre. Toute action était impossible. La pluie sans borne enveloppait les hommes. Ils étaient aussi impuissants que les insectes cachés sous les feuilles ou dans le creux des écorces, et le grand Oulâmre connut la plus lourde douleur de sa vie. Des plaintes grondantes montaient de sa poitrine ou de rudes sanglots. Ses larmes se mêlaient à la pluie. Tout son passé était avec Zour. Il l'avait aimé depuis les jours où Nao l'avait ramené du pays des nains rouges. Et parce que Zour le préférait à tous les êtres, Aoun aussi préférait Zour. Parfois il poussait un grand cri d'appel. Une palpitation d'espoir soulevait ses épaules. Les heures passèrent. La pluie cessa. Une lueur pâle monta dans l'Orient. On entrevit l'homme du feu tué par Zour. On trouva aussi les cadavres du chef et du guerrier terrassés par Aoun. Près des cendres et des braises, un Chéléen gémissait, la cuisse percée. Wao, recroquevillée auprès d'un bloc, avait été si longtemps évanouie qu'elle n'avait pas entendu les appels d'Aoun ni de Ra. Faible et grelottante, elle eut un rire rauque lorsqu'elle vit son compagnon et le fils de Lurus. Le Chéléen se jeta devant Aoun en proférant une supplication rauque. Cette douceur que les nomades lui reprochaient inclina le fils de Lurus à faire grâce. Mais déjà les deux Lémuriens frappaient l'homme de leur massue. Aoun s'en indignait, mais il savait bien que c'était la loi de la guerre. Wao, ayant mieux que Ra appris les gestes des Oulâmres, se souvenait de quelques mots enseignés par Zour. Elle écouta les Lémuriens, elle fit comprendre à Aoun que les Chéléens avaient entraîné le fils de la terre dans la forêt. À cause de la pluie, les yeux Nyctalope avaient à peine vu et pendant peu de temps. Ra s'était égaré ainsi que le Lémurien trapu, blessé par surcroît et presque évanoui. Ainsi le sort du oie demeurait incertain, l'espérance et la détresse se suivaient dans la poitrine d'Aoun. Tout le matin, il chercha la piste. Elle ne devait se retrouver qu'à distance, ou bien Zour était mort. Les Lémuriens s'éparpillaient. Les fugitifs de la veille revenaient, et l'aide de tant de vues perçantes, de tant d'odorats subtils, était inestimable. À la fin, un parti remonta vers l'amont de la rivière, un autre vers l'aval, qui tous deux devaient franchir les gués. Celui de l'aval était avec le fils de Lurus. Il marcha jusqu'aux deux tiers du jour et passa la rivière. Wao s'arrêta avec un cri aigu. La piste était trouvée. On voyait la trace des pieds sur la terre argileuse, on discernait la présence de Zour. La joie bouillonna dans le cœur de l'Oulâmre, tout de suite mêlé de crainte. La piste n'était plus fraîche. Les Chéléens avaient passé au matin et il serait impossible de les rattraper avant le jour suivant. Encore fallait-il qu'Aoun marchât seul. Les Lémuriens ne pourraient pas, même de loin, suivre sa course. Il s'assura qu'il avait ses armes bien attachées, trois sagaies reprises sur le champ de combat, deux harpons, sa hache, sa massue. En outre, il n'oubliait pas la pierre de silex et la pierre de marcassite pour faire le feu. Un moment, immobile, le cœur battant, Il se sentit plein d'une tendresse obscure pour ces hommes faibles et mal armés, à la parole informe et aux gestes rudimentaires, qui avaient chassé avec lui, vécu auprès de son feu, et dont plusieurs s'étaient montrés pleins de courage dans la lutte contre les ravisseurs. Il murmura avec douceur. Ra, Wao et On sont les alliés des Oulamres. Mais les hommes du feu ont l'avance et sont rapides. Aoun seul peut les rattraper. Wao comprit ses gestes et les expliqua aux autres. Une tristesse pesante descendit sur les Lémuriens. Quand Aoun commença de gravir le versant, Wao pleurait et Ra poussait une plainte semblable à celle des dôles blessés. Ils allèrent jusqu'à la cime où le plateau recommençait. L'Oulamre filait comme un loup. Les Lémuriens l'appelèrent et lui s'arrêtant les consola. Le fils de Lurus reverra les hommes velus. Puis il reprit sa course. Parfois la piste devenait incertaine, parfois elle se révélait avec force. Quand les haltes des fugitifs imprégnaient la terre des fluves persistants, le nomade retrouvait des herbes que Zour avait longtemps tenues dans sa main et qu'il avait rejetées ensuite. Aoun reconnaissait la ruse subtile du roi. Il s'étonnait de ce que les Chelléens laissassent vivre leurs prisonniers qui, moins agiles qu'eux, devaient entraver la fuite. Jusqu'au soir, il ne prit d'autre repos que deux haltes très courtes. Le soir même, il continua à chercher au clair de lune des étoiles. La piste était de plus en plus fraîche, mais quand il se coucha, épuisé parmi des rocs, il était loin encore des fugitifs. À l'aube, il contourna un petit lac et se retrouva dans la Sylve. Plus d'une fois, il eut des incertitudes et s'égara. Mais vers le milieu du jour, lorsqu'il allait prendre du repos, il eut un long tressaillement. La piste devenait plus nette, le nombre des Chéléens avait doublé, un faible parti de chasse s'était joint à ceux qui emmenaient Zour. Même Aoun put déterminer la route par où les nouveaux étaient arrivés. Il y avait maintenant 6 adversaires à combattre, et sans doute on approchait des territoires de la Horde. La lutte semblait impossible. Tout autre Oulamre qu'Aoun ou Nao eut renoncé à la poursuite. Un instinct plus fort que toute prudence emporta le fils de Lurus, et il se fiait aussi à sa vélocité égale à celle des Émiones. Jamais les Chéléens, aux jambes brèves, ne pourraient l'atteindre. De nouvelles heures coulèrent. Le déclin du second jour approchait lorsque, malgré le nombre de ceux qu'il poursuivait, Aoun se trouva perdu au passage d'une rivière. Comme elle était peu profonde, le nomade l'avait franchie sans peine, mais à l'autre rive, il n'y avait plus de piste. Il chercha désespérément. Le soir était venu depuis longtemps sans qu'il eût rien découvert. Alors il s'assit, las et triste, sans courage pour allumer du feu. Après un court repos, il se remit en route. Dans une terre inégale, où les éclaircies succédaient aux bocteaux, des émanations lui parvinrent que le vent favorable rendait plus intenses. C'étaient bien les émanations des hommes du feu, et pourtant il croyait percevoir des différences. Rien n'annonçait la présence de Zour. Il marcha avec précaution parmi les broussailles et les bambous, rampa parmi les herbes hautes, et se trouva à proximité de ceux qu'il cherchait. Un grondement le fit tressaillir. Deux silhouettes verticales se dressèrent, dont il n'avait pas deviné la présence à cause du vent qui emportait les effluves. On l'avait vu. Il fallait se tenir prêt au combat. La lune, déjà grande, éclairait vivement les deux silhouettes. Il reconnut que ce n'étaient pas des hommes, mais des femmes. Trapues, les jambes courtes, avec le torse et le visage épais des Chelléens, elles tenaient chacune un long et lourd épieu. Chez les Oulamres, les femmes maniaient rarement les armes. Quoiqu'il eût vu les Lémuriennes presque égales aux mâles, le nomade s'étonna de voir celles-ci dans une attitude menaçante. Aucune colère ne s'élevait en lui. Il parla d'une voix amicale. « Aoun n'est pas venu pour tuer des femmes. » Elles écoutaient, leurs faces crispées se détendirent. Pour les rassurer davantage, le fils de Lurus se mit à rire, puis il avança lentement, la massue basse. L'une des femmes recula, bondit, et tout à coup elles prirent le galop, soit par peur, soit pour aller avertir des compagnons. Mais leurs jambes courtes ne pouvaient lutter contre les jambes de l'Oulamre. Il les rejoignit, puis les dépassa. Alors, côte à côte, les épieux pointés, elles attendirent. Il secoua nonchalamment la massue en murmurant. La massue romprait sans peine les épieux. Par un mouvement où il y avait plus de crainte que d'animosité, une des femmes darda son arme. Aoun la rabattit, en brisa la pointe, et sans riposter, il reprit. « Pourquoi faites-vous la guerre aux fils de l'Urus ?» Elles comprirent qu'il les épargnait, et les pierres, ébahies. La confiance croissait en elles. Celle qu'il n'avait pas frappée baissa son épieu et fit des signes de paix, bientôt répétés par l'autre. Puis elles se mirent en marche. Confiant dans ses sens et son agilité, Aoun les suivait. Tous trois avancèrent contre le vent sur une longueur de 4000 coudées. Ils atteignirent une terre plantée de fougères où, à la clarté de la lune, le nomade aperçut d'autres femmes. À la vue de l'homme, elles s'étaient dressées. Elles gesticulaient en poussant des clameurs auxquelles répondaient les arrivantes. Quelque temps, Aoun craignit des pièges. Il pouvait encore fuir, la route était libre. Mais une insouciance née de la fatigue, de la solitude et de la douleur s'élevait en lui. Quand la quiétude revint, il était arrivé au campement. Les femmes le cernaient. Il y en avait 12, avec celles qui avaient amené le nomade. Plusieurs enfants se tenaient parmi elles, et on en voyait dormir 2 ou 3, encore tout petits. La plupart des femmes étaient jeunes, de rude structure, avec des mâchoires énormes. Mais l'une d'elles avait la taille flexible des filles de Gamla, les plus belles des Oulambres. Une crinière étincelante coulait sur ses épaules. Ses dents luisaient comme la lune de nacre. Une force douce et craintive pénétra le cœur du guerrier. Les souvenirs brillants, s'élevant tous ensemble, s'unirent à l'image fraîche de l'étrangère. Les femmes formaient un cercle plus étroit. L'une d'elles, aux bras durs, aux épaules épaisses, se tenait face à face avec le fils de l'Urus. L'énergie s'exhalait de ses prunelles étincelantes et de son visage aux joues musculeuses. Il comprit qu'elle lui proposait l'alliance, et comme il ignorait les races où les hommes et les femmes forment des hordes séparées, il chercha des yeux les mâles. N'en apercevant aucun, il fit des gestes d'acquiescement. Toutes alors eurent un rire, suivi de signes amicaux, qu'il comprenait mieux que les signes des Lémuriens. Cependant, elle demeurait étonnée. Jamais aucun guerrier de cette stature, et dont la parole fut si différente de la leur, n'avait paru devant elle. Leur horde connaissait 3 sortes d'humains. Ceux dont Aoun avait rencontré un parti de chasse et dont Zour était prisonnier, les Lémuriens qu'elles avaient rarement vus et qu'elles ne combattaient point, enfin les êtres de leur race où les hommes et les femmes ne se mêlaient pas d'habitude et dont les rites farouches consacraient les mariages. Si Aoun eût appartenu à leur propre race, elles l'eussent rejetée ou soumise à de rudes épreuves. Elle ne l'accueillait qu'attirée par la singularité de l'aventure et parce qu'elle passait par une période néfaste. La moitié d'entre elles avait péri à la suite de désastres ou sous les coups des Chéléens. La plupart des enfants étaient morts. En outre, ayant perdu le feu, elles erraient misérables sur la terre, abattues par le sentiment de leur déchéance et pleines de haine contre leurs ennemis. Il leur fut doux d'avoir pour allié cet étranger à la haute stature qui semblait aussi fort que les Gaïales. Longtemps, pressées autour de lui, tentant de comprendre ses gestes et de lui apprendre les leurs, elles finirent par savoir qu'il recherchait un compagnon dont il avait perdu la piste. Il leur plaisait d'imaginer que les adversaires de l'Oulambre étaient les hommes mêmes qu'elles exécraient. Aoun, devinant qu'on avait tué leur feu, se mit à rassembler des herbes sèches. À l'aide de brindilles et de ses pierres, il fit naître la flamme. Avec des cris d'enthousiasme, les plus jeunes sautaient autour de lui en prononçant des paroles qui, répétées en chœur, formaient une manière de mélopée. Quand la vie rouge se répandit sur les branches, les acclamations devinrent frénétiques. Seule la fille aux joues fines ne criait pas. Elle contemplait le feu et le nomade dans un ravissement silencieux. Lorsqu'elle parlait, c'était à voix basse, d'une manière craintive et séduisante. À la pointe du lac. Chaque matin, Aoun se remettait à chercher la piste de Zour. Les femmes le suivaient, pleines d'une confiance grandissante. À force d'accomplir les mêmes actes et d'échanger des gestes, elles comprenaient clairement le but de l'Oulambre. Lui-même se familiarisait avec leurs signes. Sa force et son agilité les ébahissaient. Elles admiraient ses armes,